Entre deux bras d'une rivière aussi, qui la battent environ, des cregnots en haut remireront le doux pays et la contrée qui douce France est appelée. Et s'il est adroit récité, il sient la meilleure cité qui dessous ciel comprègne siège. Toutes les autres sont de liège, un vers celle que nul dit. La rivière porte la vie par son droit nom saigne et nommé, ni la cité si renommée par toute la chrétienté. Ses noces, évêque n'abbé porte en crosse, n'affaille pas venir ne mander. Il veut que sans contremander vienne charnalité s'amille, car sans ligne pourrait il mit. Ivresse, outrage et ribaudie, ô vienne et lècherie, corps ou tort, tinson, homicide, hypocrisie, orgueil, accide, l'art saint décor, franaisie, hérésie et bougrie, convoitise. Envie, mensonge, de l'avenir ne fasse songe. Thank you. en épaissioté, dame de très grand loyauté, traite haute les vertus divines qui du pouvoir déterminent, favelles ont été fort bannies, vent renvouer ses étampis. C'est à savoir virginité qui est de si grande dignité, châteté, religion, repentance et confession, contrition et pénitence, componction et patience, sapience et vérité, providence et miséricorde, justice, loyauté, concorde, bonté, laisse, fouet, silence. Trompeur, sale, si corner, et tantôt toutes gens lavèrent et allèrent aux tables se ouer. Grand foison pouvait-on veuer de viandes bonnes et fines, chapon y haute, oison jolie, cygne, paon, perdru, faisan, aïron, butor qui sont plaisants. Et venoison de mainte guise, à chien courant par force prise, cerf, daim, conin, sanglé sauvage, qui habite dans ses bocages, et toute bonne venoison. Poisson y avoué à foison, des meilleurs de tout le pays, et turgeon, saumon et plaï. Con mi suela della tire, e in sua mesa si dorme, si sono bagnato a te, si sono perro. Con mi suela della tire, e in sua mesa si dorme, mi penso che sono te, si sono perro. Con mi suela della tire, et précieux, à boire maute délicieux. Sitôt des rosées florées, vins de Gascogne colorées, de Montpellier, de Rochelle et de Garnache et de Catel, vins de Beaune et de Saint-Paul-Saint, que riches gens tiennent pour saints. Thank you. Alpes et à Rhein, vielles, muses et d'Ausen, psauterions, frotte aux leutes, n'y hôte nul qui métier se hute, qui ne fasse ménétroidie, maout y avouer, grande mélodie. La nuit vint qui le jour efface, les fêteurs aussi en chasse, car il vouait s'y approcher la nuit que temps est de cocher. Lors vit le jour clair et luisant, si m'en allai tôt déduisant au lieu où l'on dut assembler pour jouter. Mes formes tremblaient, tantôt me figeant maute vilaine, que j'encontraille mal étreine. Ce furent aussi le cote-faille, veillier, fauvel, pour eux appareillés à la joute, et qui l'a étoué au champ tout près, et à sa ouais leurs grands chevaux et leurs détriers. Mais par grande prérogative, charnalité, l'ardent, la vive, et celles que Fauvel nomme et a pour jouter, sont mieux armées. Virginité qui l'attendit, un tel servantoué l'y rendit, chevauche, garce dépitaire. Fortune avale est descendue. Grande délibération a eu. Et conseille ô virginité, ô sapience et équité, et avec toute leur compagne. Par conseil sans prise éloigne des joutes quant au temps présent, car fortune, si comme je sens, leur a de vouer sonnefier que combien que soit détrié de juger Fauvel longuement, si finira il aidement autant qu'il y a de destiné. Il perdra vie perdurable et revertira au déa. De Fauvel sans nul compte rendre, trop d'enfants, car trop en engendre, partout à Aja Fauveau nouveau, qui sont trop pires que l'Ovo. Hélas, France, comme ta beauté vêt aujourd'hui en grande ruine, par la ménie fauveline, qui ont au mal mais ses délices, hurtéon si la fleur de lys, Fauvel et veine glouer ensemble, quelle chancelle, ce me semble. Marie, Marie, Marie, Marie. Jésus-Christ, tu as eu un farvel seul, car il garde tant et dévore. Oh Dieu, ne mets ta nom chaloueur, vertu qui tant se font valoir, si avale porno soutenir, faille farvel et sa jambe fenir, très d'olis de virginité. Garde vertu, car vérité s'obtienne et tienne en puissance le lys et le jardin de France. Et Fauvel mette en telle prison qu'il ne puisse faire trahison, si que tu, Dieu, roi de justice, sois honoré et sainte Église. Bien de eu fine Fauvel, qui n'a qui fine en ce monde, car tu y t'obéisses à lui, tout à robé. Robé nous a tout en lobant, et lobé en nous dérobant. Il finira car toujours vivre ne pourra pas. Si Fau mon livre, second, Dieu en gré le reçoive, j'ai sef, il est temps que je boive. explicit, expliceat, ludere scriptoreat.